Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Michel vous propose une émission pour les amoureux de l'accordéon, pour les mordus du dépliant, 100% musette avec Accordéon Parade. Et Accordéon Parade, c'est le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Thank you. Merci à Nicole et Jackie de nous avoir emmenés au sommet des rangées. Et maintenant, c'est un sympathique accordéoniste qui nous vient du Tyrol, c'est Oscar Thomas qui nous interprète un morceau tyrolien. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Nous étions au Pays des Costes avec Stéphanie Floquet, sympathique jeune femme qui dirige un orchestre avec des accordéonistes. Et maintenant, si on faisait un petit tango, ça serait quand même pas mal, ce serait une bonne idée. Populaire, présidé par Monsieur le maire, il y a toujours un fan qui fait son show sous les bravos, ébloui par la lumière, illuminé mille mine fière. Il sort sa boîte d'allumettes et fait vibrer ses castagnettes. Le joueur de castagnettes avec sa boîte d'allumettes, il sait mettre de l'entrain pour ses amis musiciens et tout le monde l'aime bien. Le joueur de castagnettes, c'est lui le roi de la fête. Pas besoin de corrida, un petit verre de sangria et la foule crie Honda. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci à l'orchestre Tendance qui vient de nous jouer le joueur de castagnettes. Et je vous signale que l'orchestre Tendance sera ce mois-ci sur le plateau de la Tmine à Éloise. Et c'est bien Accordéon Parade que vous écoutez avec Michel, ses amis accordéonistes. Une émission pour les mordus du dépliant, pour les amoureux de l'accordéon, qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Et je vous signale que vous pouvez me retrouver dans plusieurs émissions d'accordéon, bien sûr, sur Popcast, sur Internet. Internet, Popcast, et vous trouvez tout de suite. Et vous pouvez danser par-dessus le marché. Est-ce qu'on n'est pas sympathique à Sorgia FM? Et on va continuer Accordéon Parade avec un sympathique accordéoniste. C'est Nicolas qui va nous faire valser. Allez, Nicolas, quand tu veux. Thank you. Oh les amis, j'ai demandé pour danser un chroma sinérise le tempo. Merci aux conscrits, à Daniel Collin qui vient de nous interpréter La Zingara, un morceau jazz, merveilleux morceau. Et on continue Accordéon Parade avec une petite java avec Ninette, Ninette Java. Thank you. et merci à Michel Pruvot de nous avoir interprété ce morceau composé par Augusto Baldi. Après Cédric Saillard qui vient nous faire valser, enfin qui vient nous faire valser, eh bien nous allons écouter aimable Monsieur Pluchart qui va nous dire, enfin qui va nous raconter comment, enfin quelle est la couleur du drapeau français. Bleu, blanc, rouge, Monsieur Aimable. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et bien sûr que vous êtes en compagnie de Michel qui vous propose, qui vous présente Accordéon Parade. C'est sur les 91, 91 MHz de votre radio sympathique, sur GFM, et c'est tous les dimanches de 9h à 10h. Mais si, l'émission est rediffusée le mardi à partir de 10h. Et puis, vous pouvez me retrouver en podcast sur Internet. Et puis Accordéon Parade, eh bien c'est une invitation aux musettes, et c'est monsieur André Verschuren qui nous le dit. Succès de M. André Verturen, la valse de la forêt, reprise ce dimanche par Frédéric Buch, qui nous vient des Vosges. Merci à Gigi Stock qui vient de nous faire valser avec ce merveilleux morceau. Quelle virtuosité de ce Gigi. Et vraiment bien. Allez, on va continuer. Oh, puis plutôt, on va faire le dernier morceau. C'est les deux sympathiques. C'est Guy et Robert, les deux sympathiques de la radio. Non, c'est pas eux qui vont nous interpréter un passe-à-double. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon Parade se termine. C'était une émission que vous a présentée, que vous a proposée Michel ce dimanche. Mais vous pouvez me retrouver mardi pour la rediffusion de l'émission. Alors passez un bon mardi. Et puis un bon dimanche. À bientôt et bye bye! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Les amis, bonjour. Michel en votre compagnie ce dimanche pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Ah ah, je vois que vous êtes pressés ce dimanche matin. Ah, vous allez faire du ski. Alors, bonne glisse à vous. À part ça, je pense que vous allez bien. Et puis que vous avez fait de bonnes crêpes. Parce que si je crois bien, hier c'était la chandeleur. Puis pour commencer cette émission, eh bien j'ai fait appel à une charmante jeune fille, à une sympathique jeune fille, c'est Charlotte Juillan, qui en 1972 nous interprétait Fleur de province, Mademoiselle Charlotte Juillan. Je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince, j'arrive avec ma François, je deviendrai

dans la vie faut pas en faire. Moi je ne m'en fais pas, ces petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Faut pas en faire, moi je ne m'en fais pas. Je n'ai pas un caractère à faire du tracas. Croyez-moi sur terre, faut jamais s'en faire, moi je ne m'en fais pas. Un morceau de chiffon rouge, une fleur.

que soit notre signe, Capricorne, Balance ou Bélier, dans tous les magazines, c'est d'amour qu'on nous parle en premier. Sur des patins à glace, en discothèque ou au cinéma, des gens heureux s'embrassent et c'est très bien comme ça. Il est toujours, toujours question d'amour. Nous n'en ferons jamais, jamais le tour. Il prend toute la place, quoi qu'on dise ou fasse. Il sera toujours, toujours, toujours question d'amour. Autour du vieux manège, des petits cœurs dessinés à la craie, sur un mur du collège, deux prénoms l'un à l'autre attachés. Lorsque les cloches sonnent, qu'une robe de mariée flotte au vent, que nos cheveux grisonnent, ou bien qu'on ait 20 ans. Il est toujours, toujours question d'amour. Nous n'en ferons jamais, jamais le tour. Il prend toute la place, quoi qu'on dise ou fasse. Il sera toujours, toujours, toujours question d'amour. Il est toujours, toujours question d'amour. Nous n'en ferons jamais, jamais le tour. Après nous, très vite, d'autres prendront la suite. Il sera toujours, toujours, toujours question d'amour. Après nous, très vite, d'autres prendront la suite. Il sera toujours, toujours, toujours question d'amour. Merci à Franck Michael qui vient nous interpréter « Il est toujours question d'amour ». Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et ce dimanche matin, comme tous les dimanches, vous êtes en compagnie de Michel qui vous présente une heure de détente, une heure de bonne humeur. Et maintenant, nous allons faire une dédicace, sympathique coup de téléphone cette semaine à la radio. Sylvie m'a dit ça cette semaine. Et elle m'a demandé une chanson sur la soupe. Pour Jean-Pierre Guénon, le cuisinier de service, merci pour la bonne soupe. Voilà le message. Alors on va écouter la soupe de grand-mère et c'est pour Jean-Pierre Guénon. Dans la soupe à ma grand-mère, dans la soupe à ma grand-mère, j'aimais bien les pommes de terre, mais j'aimais pas les oignons. Et à l'école, j'avais des billes. À l'école, j'avais des billes. Et je me moquais bien des filles qui se moquaient des garçons. Le dimanche à la grand-messe, le dimanche à la grand-messe, j'aimais bien chanter les cantiques. Mais j'aimais pas les serments. Hey! Dans la soupe à ma grand-mère, dans la soupe à ma grand-mère,

vous aimez l'accordéon ? Eh bien, tous les dimanches, Michel vous propose un plateau d'accordéonistes. Ou si vous aimez mieux, le bonjour de l'accordéon. Émission pour les mordus de l'accordéon, les mordus du dépliant. 9h-10h. Et l'émission est rediffusée le mardi à partir de 10h. Dans une rue de Séville, à Beaussoir, j'ai vu le scène étrange. Quelques enfants, il s'agit. Vous pouvez même m'écouter la semaine sur les 91 MHz de Sorgia FM en podcast. Jamais moi je n'oublierai celle, celle qui a bouleversé et ma vie. Depuis ce jour, je fredonne pour elle ce refrain qui a troublé mes nuits. Hey, bonita, jolie princesse. Et je vous signale qu'Accordéon Parade est une émission pour les mordus du dépliant. C'est 100% musette sur la bande FM. Hey, bonita, tu as mis ma mémoire en souffrance. Aïe, aïe, bonita, tes oranges se tombent les vacances. Aïe, aïe, bonita, chaque soir tu entres dans ma danse. Et cette semaine, une petite dédicace d'une mamie pour son plaisir personnel et en souvenir de sa petite chienne. Nous allons écouter Dalida qui va nous interpréter. Les oranges sont bons, les vacances. Aïe, aïe, bonita. Pour ne pas vivre seul, Dalida. Vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime un souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps. Et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps, pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul, de ne pas vivre seul. Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles, elles envoient des garçons, épouser des garçons. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul, on fait des cathédrales, où tous ceux qui sont seuls s'accrochent à une étoile. On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces. Mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi. Je suis seul avec toi, tu es seul avec moi.

sans boussole, sans personne, tu vas sentir petit. Dans la brume et le vent, sur un fil d'argent, vous restez réunis. Au lever du soleil, après un arc-en-ciel, il vous faudra partir. Oh ma douce hirondelle, je t'attends, je t'espère. Oh ma douce hirondelle, tu prépares tes ailes. Oh ma douce hirondelle, c'est l'hiver qui s'achève. Oh ma douce hirondelle, toi l'oiseau du soleil, sur le grand bateau blanc, flottant sur l'océan, tu attendras la nuit. Soleil brûlant, il te faudra choisir et laisser derrière toi les plus faibles d'entre vous qui ne pourront vous suivre. Sur les plages d'Orphin, vous arriverez enfin dans votre paradis. Oh ma douce hirondelle, je t'attends, je t'espère. Prépare tes ailes. Oh ma douce hirondelle, c'est l'hiver qui s'achève. Oh ma douce hirondelle, toi l'oiseau du soleil, après ces mois d'hiver, on espère que la terre nous redonnera l'envie de couper les semer de belles graines, de placer les semis. L'hirondelle trouva-t-elle le chemin du castel qui l'attend près d'ici? Tout en haut, sous le toit, sous la poutre de bois, retrouvera-t-elle son nid? Oh ma douce hirondelle, je t'attends, je t'espère. Prépare tes ailes. Oh ma douce hirondelle, c'est l'hiver qui s'achève. Oh ma douce hirondelle, toi l'oiseau du soleil. Oh ma douce hirondelle, je t'attends, je t'espère. Oh ma douce hirondelle, prépare tes ailes. Oh ma douce hirondelle, c'est l'hiver qui s'achève. Oh ma douce hirondelle, toi l'oiseau du soleil. Cette chanson « Douce hirondelle » était pour le plaisir de Sylvie. Eh bien, voilà, maintenant qu'on a écouté cette jolie chanson, je pense que l'hirondelle va bientôt venir pour nous amener un peu de soleil, car ça ferait du bien. En passant la frontière, dans le brouillard d'une pluie d'été, en passant la frontière, jamais son cœur n'avait tant pleuré. Il voit la maison claire où son enfance cueillait ses fruits, chaque pierre aurait pu dire un mot de sa vie. En passant la frontière, dans passant la frontière, jamais son cœur n'avait tant pleuré. Ils sont venus en armes d'un autre ciel, d'un autre pays. Ces points contre leurs armes n'y pouvaient rien et il est parti. En passant la frontière, quand d'autres hommes sont arrivés. En passant la frontière, jamais son cœur n'avait tant pleuré. À son bonheur, on tourne le dos. En passant la frontière, dans le brouillard d'une pluie d'été. En passant la frontière, jamais son cœur n'avait tant pleuré. En passant la frontière, dans le brouillard d'une pluie d'été. Thank you. Et c'est sur un air entraînant que nous interprète Gigi Stock, sympathique accordoniste qui nous vient d'Italie, que se termine l'émission, l'émission de variété ce dimanche. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver mardi à partir de 10h pour Accordéon Parade et dimanche soir d'été à partir de 11h. Autrement, le direct, c'est la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon dimanche, auditrices, auditeurs de Sorgia FM, et également un bon mardi. Bye bye, à bientôt. Cada día que pase, esa ola ya no parará más.